Maxi Sud. Je suis Patrice Lemoux, je suis délégué départemental de la Fondation du Patrimoine. Alors délégué thématique, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est mécénat, donc les projets portés par des collectivités ou des associations. Alors sur le plan environnemental, alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui est très important, c'est que la Fondation du Patrimoine, si elle a été créée il y a 30 ans par l'État, elle a vu le jour en Aveyron, puisque le premier projet qu'elle a porté, c'était le four à pain de Saint-André-de-Vezine, sur le Larzac. Donc c'est quand même symbolique, et en tous les cas, ça nous honore tous de le rappeler. La Fondation du Patrimoine accompagne la restauration du petit patrimoine, de ce patrimoine qui fait notre quotidien. Le four à pain, le lavoir, l'église, etc. Alors comment on fonctionne ? On est relais de l'État, puisqu'une fondation, c'est un partenariat entre le public et le privé. Donc on est relais de l'État pour engager les défiscalisations de l'État auprès de tous les donateurs qui sont intéressés par leur patrimoine, qui vont dans un geste généreux et historique et qui pourront en contrepartie défiscaliser 60% de leurs dons s'ils sont une entreprise, 66% si ce sont des particuliers et 75% pour les heureux bénéficiaires, j'allais dire, de l'impôt sur la fortune. D'accord, donc on peut dire que la préservation du patrimoine local dans nos villages est encore assurée et préservée ? Elle est encore assurée, préservée, d'une part et d'abord par la vocation de toutes ces associations qui sont des associations de sauvegarde du patrimoine, donc très intéressées par ce qui les entoure, par les entreprises qui sont de plus en plus passionnées par ce patrimoine dans le cadre de leurs responsabilités sociétales et environnementales, où ils considèrent effectivement qu'ils doivent quelque chose de leur image au patrimoine qui les entoure. Et on peut qu'à ce titre les inciter à venir nous rejoindre aussi à la Fondation du Patrimoine. On crée ce qu'on appelle des clubs entreprises qui permettent aussi de se réunir autour de cette problématique du patrimoine.